بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذا نواصل درس هذا اليوم donc nous continuons le cours d'aujourd'hui dans les trois fondements de Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. فيقول الشيخ فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته أو بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Donc s'il t'est posé la question qui est ton Seigneur, alors réponds: mon Seigneur est Allah, celui qui m'a créé et éduqué, qui s'occupe de moi et qui s'occupe de tout l'univers en leur accordant ses bienfaits. Et c'est lui que j'adore, je n'adore rien d'autre à part lui. فقول المصنف رحمه الله وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فقول المصنف رحمه الله تعالى. Donc je disais, lorsque l'auteur dit « Et c'est lui que j'adore, je n'adore rien d'autre à part lui. » فِيهَذَا تَنْبِيهٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ فَفِيهَذَا تَنْبِيهٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهِ بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْإِقْرَارِ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّبِّ. Donc, le fait que l'auteur dise ceci, que Allah subhanahu wa ta'ala, donc si on te pose la question qui est ton Seigneur, alors réponds: mon Seigneur est Allah, jusqu'à ce qu'il dise et c'est lui seul, et c'est lui que j'adore, je n'adore rien d'autre à part lui. Par là, l'auteur a voulu porter l'attention sur le fait qu'il ne suffit pas de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Ceci ne suffit pas. بل لا بد مع ذلك من الإقرار بأنه وحده المستحق للعبادة والقيام بها بأن تعبده وحده مخلصا له الدين. Donc, ceci ne suffit pas de reconnaître qu'Allah est ton Seigneur, mais il faut également que tu reconnaisses qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, tu dois aussi reconnaître cela. Et tu dois l'adorer lui uniquement. Tu ne dois pas lui attribuer d'associé. لأنه إذا كان هو الذي خلقني ورباني ورب جميع العالمين بنعمه فهو وحده الذي يستحق أن أعبده. Car si c'est lui seul qui m'a créé, si c'est lui seul qui pourvoit à mes besoins, si c'est lui seul qui m'accorde de ses bienfaits, donc c'est lui seul qui mérite que je l'adore. والدليل على ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. Puis l'auteur dit, et la preuve de cela, que ton Seigneur est Allah et que c'est lui que tu dois adorer, la preuve de cela, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah, Seigneur des mondes. فَاللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Donc Allah est le Seigneur de tout cet univers. وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ. Et tout ce qui existe en dehors d'Allah, tout ce qui existe en dehors d'Allah, fait partie de l'univers. Et moi, je suis une partie de cet univers. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ إذا كان الله هو رب العالمين وأنا واحد من العالمين فالله ربي لأنه رب العالمين. Donc si donc si Allah est le Seigneur de l'univers et que moi je fais partie de cet univers, donc Allah est mon Seigneur. Si Allah est le Seigneur de l'univers et que moi, donc, je fais partie de cet univers. Donc Allah, il est mon Seigneur. وَإِذَا كَانَ اللَّهُ رَبِّي فَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْبُدَهُ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. Et si Allah donc est mon seul Seigneur, mon seul Créateur, donc c'est lui seul que je dois adorer. Et ceci est une obligation pour moi. Ceci est une obligation pour moi. ثُمَّ يَقُولُ الشَّيْخُ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Puis si tu es questionné, comment as-tu connu ton Seigneur? كَيْفَ عَرَفْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Comment as-tu connu Allah? بِمَاذَا تُجِيب. Que réponds-tu? Comment as-tu connu ton Seigneur? مَنْ يُجِيب. Qui peut répondre? Naam, par ses preuves. Quoi d'autre? Par ses signes. Par sa création. Naam. Hada huwa. Hada huwa. Fa al-adilla ala aw yani ma'rifatullah azza wa jal takun bi ayatihi al-kawniyya wa bi ayatihi al-matluwa. Donc, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'obtient. Comment tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas le connaître à travers deux choses. À travers les signes qu'il a mis dans l'univers, comme le frère a dit, c'est-à-dire la création. Les signes de l'univers, c'est-à-dire la création, al-khalq. Et le deuxième moyen par lequel tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala, bi ayatihi al-matluwa, bi ma'na al-wahi, par sa révélation, les versets qu'il a révélés, les preuves du Coran et de la Sunna. C'est ainsi que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, tu le connais par ses signes de l'univers, par les signes de l'univers, par sa création, et tu le connais à travers sa révélation. لأن الله عز وجل أو لأن الخلق دليل على وجود الله عز وجل. Car la création, c'est une preuve de l'existence d'Allah سبحانه وتعالى. إذا فكر الإنسان في هذا الخلق العظيم, هذه المخلوقات العظيمة التي خلقها الله عز وجل وكيف أتقنها وأحسن خلقها وقام بها ودبرها فكلها مسخرة بأمره فهذا يدل على وجوده سبحانه أن هناك من يقوم على هذا الكون. Donc si tu regardes la création, toutes ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, toutes ces choses qu'Allah a créées, la perfection de la création, et que tu vois comment Allah subhanahu wa ta'ala subvient aux besoins de toutes ces créatures, et il gère tout cet univers, il gère toutes les créatures. Quand tu vois toutes ces choses-là, quand tu vois l'organisation du monde et de l'univers, ceci te prouve qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de cet univers, et qu'il le gère. Wa huwa Allah azza wa jalla, c'est Allah cette personne qui gère cet univers. Donc lorsque tu vas méditer, tu vas réfléchir sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir qu'il y a forcément quelqu'un qui gère cet univers. Fata'arif annahu Allah azza wa jal. Donc tu sauras que c'est Allah qui gère tout cet univers. Wa kadhalik idha qara'ta al-Qur'an, idha qara'ta al-wahyayn القرآن والسنة فستجد في القرآن وفي السنة ما يعرفك عن ربك أو بربك عفوا ما يعرفك بربك. Donc pareillement, si tu vas regarder donc dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna. Tu vas trouver des versets et des hadiths qui vont t'expliquer et qui vont te faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas connaître Allah. Allah se décrit à toi dans le Coran et dans la Sunna. Il te cite ses qualités. Il te cite ses actes. Annahu yuhyi wa yumid, c'est-à-dire qu'il donne la vie, qu'il donne la mort. Annahu ar-Rahman ar-Rahim, qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Annahu alim, annahu shadid al-iqab, qu'il est dur en punition. Wa hakaza, et ainsi de suite. Si tu vas lire dans les versets coraniques, si tu vas lire les versets coraniques et tu vas lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas connaître Allah. Donc Allah, on le connaît par ces deux moyens, par sa création et par sa révélation. ثم يقول الشيخ فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Donc si on te questionne comment tu connais ton Seigneur, alors réponds par ses signes et par ses créatures. Et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la nuit, le soleil et la lune, Afwan, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les sept cieux et les sept terres et tout ce qu'il y a entre eux. فكل هذه الأشياء تعرفك بالله عز وجل وتدلك على وجوده سبحانه. تدلك على وجوده وقدرته وإرادته وعلمه وعزته وسمعه وبصره وغير ذلك مما اتصف الله به سبحانه وتعالى. Donc lorsque tu vas méditer sur toutes ces créatures, le jour et la nuit, le soleil et la lune, les sept cieux, les sept terres, et tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre, lorsque tu vas réfléchir à toutes ces choses-là, tu vas méditer sur ces choses-là, tu vas te rendre compte que ces choses prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses prouvent l'existence d'Allah. Elles prouvent sa puissance. إِذَا كُنَّا لَا نُطِيقُ النَّظَرَ إِلَى الشَّمْسِ. Si nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la capacité de regarder le soleil, qui a la capacité de rester le regard fixé sur le soleil, ne serait-ce une minute? يَحْتَلِقُ عَيْنُكَ. Si tu regardes le soleil pendant une minute avec le regard fixé, ton œil va te brûler. Et le soleil est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Alors que dire d'Allah? Si le soleil qui est une créature, nous n'arrivons pas à le regarder, alors comment Allah subhanahu wa ta'ala? As-samawat, les cieux. إِذَا نَظَرْتَ إِلَى السَّمَاءِ وَلَا تَسْتَطِعْ أَنْ تُدْرِكَ السَّمَاوَاتَ كُلَّهَا. Et tu n'arrives pas à voir tout ce qu'il y a dans le ciel. Et le ciel est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَيْفَ بِعَظَمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Alors que dire de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Si le ciel qui est une créature, nous n'arrivons pas à l'englober et à savoir tout ce qu'il y a dans le ciel et à voir tout ce qu'il y a dans les cieux, alors que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est encore plus grand que les cieux? Et lorsque tu vois, lorsque tu médites, toute l'organisation de cet univers, ta'aqubul layl wa nahar, le roulement du jour et de la nuit, wa shams wa al-qamar, et du soleil et de la nuit, lorsque tu vois tout cela, cela te montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala gère tout cet univers avec précision et qu'il ne fait rien vainement. Chaque chose qu'il fait, il le fait avec science et avec perfection. Taïb. والدليل على أن هذه المخلوقات أن الله سبحانه وتعالى يعرف بمخلوقاته وآياته والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Donc, la preuve de cela, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit, et parmi ces signes, la nuit et le jour, le soleil et la nuit, ne vous prosternez ni devant le soleil, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais plutôt, prosternez-vous devant Allah, celui qui les a créés, si toutefois, c'est lui que vous adorez. فهذا دليل على وجود الله عز وجل، هذه المخلوقات دليل على وجود الله، وأنها لا تستحق العبادة، وإنما العبادة لله سبحانه وتعالى الذي خلقهن. Donc toutes ces créatures montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles montrent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elles ont été créées par Allah, donc ce n'est pas elles qui doivent être adorées, ces créatures telles que le soleil et la lune. Mais c'est Allah, celui qui les a créés, qui doit être adoré. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Et dans l'autre verset, qui est aussi une preuve de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes votre Seigneur est Allah. Fa'athbatana Rabbuna huwa Allah. Donc il a affirmé qu'Allah est notre Seigneur. Inna Rabbakumullah. Allah est certes votre Seigneur, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est élevé au-dessus du trône. Le sens du verset, il fait envelopper la nuit par le jour, et le soleil, la lune et les étoiles sont toutes soumises à son ordre. Le soleil, la lune et les étoiles sont toutes soumises, sont tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahu al-khalq wa al-amr. N'est-ce pas à lui, Allah, qu'appartient la création et l'ordre? تبارك الله رب العالمين. Béni soit Allah, le Seigneur de tout cet univers. فالله هو الرب والرب هو المعبود يقول المؤلف. Puis ensuite l'auteur dit, et le Seigneur donc est celui qui doit être adoré. فالرب الخالق المربي هو المستحق للعبادة. Donc le Seigneur créateur, c'est lui donc qui mérite d'être adoré, comme nous avons dit précédemment. Et la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah dit Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Donc Allah nous dit, comme preuve de cela que le Seigneur, c'est lui qui doit être adoré, il nous dit, la preuve de cela c'est lorsqu'Allah nous dit, ô vous les gens, adorez votre Seigneur, adorez votre Seigneur, qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, peut-être par là atteindrez-vous la piété. C'est lui qui a fait pour vous de la terre un lit, c'est lui qui a fait pour vous de la terre un lit, et du ciel un toit, et qui a fait descendre du ciel la pluie afin de faire sortir de la terre par la pluie tout type de fruits en tant que subsistance pour vous. Donc n'attribuez point d'associés à Allah, alors que vous savez, c'est-à-dire alors que vous savez ces choses-là. فَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَأَمَّنَ لَكُمُ السُّبُلَ وَيَسَّرَ لَكُمْ الْمَعِيشَةَ وَالرِّزْقَ وَسُبُلَ طَلَبِ الرِّزْقِ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Vous savez qu'Allah vous a créé et qu'il a créé ceux qui vivaient avant vous. Vous savez qu'Allah vous a accordé votre subsistance et vous a facilité votre vie et vous a accordé tout ce, que vous, tout ce dont vous avez besoin. Donc si vous savez tout cela, donc ne donnez pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous savez que c'est Allah seul qui vous a accordé toutes ces choses-là. Donc ne lui attribuez point d'associé. وَهُنَا نُقْتَةٌ لَطِيفَ. Et là, il y a une leçon intéressante que nous tirons de ce verset. قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ. Les savants ont dit إِنَّ التَّوْحِيدِ أَوَّلُ أَمْرٍ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَالشِّرْكِ أَوَّلُ نَهْيٍ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ. De là donc les savants tirent de ce verset, les savants tirent comme leçon intéressante que le tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, le fait d'adorer Allah seul, c'est le premier ordre qui a été cité dans le Coran. Si tu commences le Coran en lisant surat al-Fatiha, puis tu rentres dans surat al-Baqarah, tu verras que le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner, c'est cet ordre-là, « Ya ayyuhannas u'abudu rabbakum ». Le premier ordre qu'Allah t'a donné, ce n'est pas de faire la salat, ce n'est pas de payer la zakat, ce n'est pas de faire le siyam, ce n'est pas d'être bienfaisant envers les parents. Le premier ordre qu'Allah t'a donné dans le Coran, c'est l'ordre de l'adorer lui seul. Et le premier interdit également qui est cité dans le Coran, si tu prends depuis surat al-Fatiha et tu commences à lire, le premier interdit sur lequel tu vas tomber, c'est l'interdit lorsqu'il dit « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. » N'attribuez point à Allah d'associé alors que vous savez. Il t'interdit de faire du shirk. وَهَذَا يَدُلْ عَلَى أَهَمِّيَةِ التَّوْحِيدِ. Et ceci prouve l'importance du tawhid. تَعَلُّمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ. Le fait de l'apprendre, d'étudier le tawhid et de le mettre en application. وَيَدُلْ كَذَلِكَ عَلَى عِظَمِ الشِّرْكِ. Et ceci montre également la gravité de la mécréance, la gravité du shirk, de l'associationnisme. D'adorer autre qu'Allah avec Allah. Car c'est la première des choses qu'Allah t'a interdite. نواصل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير رحمه الله dans son tafsir, dans son interprétation du Coran, après avoir cité ce, au moment où il arrivait à ce verset, le verset que nous avons cité précédemment, il dit: celui qui a créé toutes ces choses, celui qui a créé toutes ces choses est celui qui mérite d'être adoré. Thumma qala al-musannif rahimahullah: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان إلى غير ذلك إلى نهاية الكلام. Donc lorsque l'auteur ensuite dit: et les types d'adoration qu'Allah a ordonné, tels que l'islam, la foi et la bienfaisance ou la perfection. Et il continuera à donner beaucoup d'exemples d'adoration. Anwa'ul 'ibadati kathir. Il y a beaucoup de types d'adoration. Wa dhabitul 'ibada. Et ce qui va te permettre de cerner l'adoration, comment tu vas savoir qu'une chose est une adoration ou pas? يأتيك تعريف أهل العلم. Voilà, je t'apporte la définition des savants de l'adoration, afin que tu saches ce que l'adoration signifie et qu'est-ce qu'elle cerne. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله دي العبادة l'adoration اسم جامع العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. Donc Ibn Taymiyyah te dit l'adoration c'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Sajilu hadha. Inscrivez-le dans vos cahiers. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit Al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. L'adoration est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée. Min al-aqwali wal a'mal. Que ce soit des paroles ou des actes. C'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit des paroles ou des actes. Al-zahirati wal-batina. Qu'elle soit apparente ou cachée. Apparente ou intérieure, plutôt. C'est mieux. Qu'elle soit apparente, que ce soit des paroles ou des actes, apparents ou intérieurs. Al-ibada ismun jami'un. لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. L'adoration est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit des paroles ou des actes, apparents ou intérieurs. نشرح هذا التعريف وسنقف على شرح هذا التعريف إن شاء الله. Donc nous allons expliquer cette définition de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il te dit, يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. Donc il te dit donc que l'adoration c'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et comme acte, que ce soit des paroles ou des actes. فهناك أقوال وهناك أعمال. Donc il y a des paroles qu'Allah aime et agrée. Il y a des paroles, هناك أقوال يحبه الله ويرضاها. Il y a des paroles qu'Allah aime et agrée. وهناك أعمال. Il y a des actes. D'accord. D'un côté on a les paroles et de l'autre on a les actes. طيب هذا شيء سأسين première chose. Ensuite il te dit الظاهرة والباطنة, apparente ou intérieure. Donc on a des actes apparents et des actes intérieurs. Apparent et intérieur, tu vas les rapporter à quoi? À paroles et actes. Donc tu as des paroles apparentes et des paroles intérieures. Des paroles apparentes et des paroles intérieures. Et tu as des actes apparents et tu as des actes intérieurs. فهذه أربعة أشياء. Ça fait donc quatre choses. Des paroles apparentes. Un, donc, premier petit un. Petit un, des paroles apparentes. Petit deux, des paroles intérieur. Petit 3, des actes apparents. Petit 4, des actes intérieurs. وسنمثل لكل واحد من هذه الأشياء. Et nous, maintenant nous allons donner des exemples pour chacune de ces quatre choses. الأقوال الظاهرة. Les paroles apparentes. Qui peut donner des exemples de paroles apparentes qu'Allah aime et agrée? Qu'Allah aime. Des paroles qu'Allah aime et agrée. Le dhikr. Le salam. Qira'atul Qur'an, la lecture du Coran. نعم هذا هو الذكر لعبل لفوكاسيون دالله سبحانه وتعالى فهذه من الأقوال الظاهرة donc ceci sont des paroles apparentes qui font partie de l'adoration ok donc ce sont des paroles apparentes qu'Allah aime et agrée donc ça rentre dans l'adoration ça rentre dans notre définition donc ce sont des adorations Tayyib. On a fini avec le petit 1. Passons au petit 2. Les paroles intérieures. Al-aqwal, al-batina. Ma hiya al-aqwal al-batina? Quelles sont les paroles intérieures? L'intention ne rentre pas dans les paroles intérieures. Naam. Al-a'mal al-khassa lillah, hadhi a'mal al-qulub. وليست أقوال القلوب لأن الأعمال لأن الأقوال الأقوال الباطنة نعم هي أعمال هي أقوال القلوب وكما قال أحد الإخوة هو الاعتقاد الاعتقاد والإيمان donc je disais que les paroles donc les paroles intérieures ce sont les paroles du cœur et les paroles du cœur ce qui est voulu par là c'est la croyance ce à quoi tu crois que tu crois à Allah subhanahu wa ta'ala Et tu crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu crois à tout ce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de croire. Fahadhi hiya aqwalul quloub. C'est comme si ton cœur disait, je crois. C'est comme s'il parlait ton cœur. Le fait que tu as cette croyance au fond de ton cœur, c'est comme si ton cœur disait, je crois en Allah. Fahimtum? كأن قلبك يقول آمنت بالله فكأنه يتكلم comme s'il parlait ton cœur ولذلك قال شيخ الإسلام أقوال القلوب الأقوال الباطنة les paroles intérieures طيب petit 3 les actes apparents هذا واضح ça c'est clair الزكاة الصلاة صيام حج Jihad, etc., etc. Tout ça, ce sont des actes apparents qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc, ça rentre dans l'adoration. Tayyib. Petit 4, les actes intérieurs. Man yumassil. Niyya. Naam, l'intention. Naam, kazmul ghaiz, naam, retenir sa colère, exact, c'est un acte du cœur. El khushu', naam, l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Détester quelque chose, une chose. El naam, bourd ma yubriduhu Allah, le fait de détester les choses qu'Allah déteste. El haya, la pudeur. Et tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah, c'est un acte du cœur. Al-ikhlas, la sincérité envers Allah. Al-khawf min Allah, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir peur d'Allah, c'est un acte du cœur. L'espoir, d'espérer en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hub, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et d'aimer ce qu'Allah aime. Toutes ces choses sont des actes intérieurs, des actes du cœur. Fal'alla bihadha قد تبين المقصود وأن هذا التعريف يجمع جميع أنواع العبادة. Et donc par là, vous avez maintenant compris que cette définition de l'adoration englobe toute l'adoration et tous les types d'adoration, que ce soit des paroles ou des actes, apparents ou intérieurs. نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.